J'apporte du trick, une aventure nostalgique. Dans un labyrinthe de briques et de flammes, le Bomberman avance sans peur ni drame. Ses bons sont prêtes, la mèche est allumée. Explosion en chaîne, la victoire est assurée. Dans le battle royal, je fais face à chaque rival. Dans l'univers du jeu vidéo, une pépite sans égale. Pour les nostalgiques, une mode au passé. Action et tactique dans un jeu bien pensé. Oh, Bomberman, des bombes dans les mains. À travers les âges, tu mènes ton chemin. Les ennemis approchent, mais je reste calme, pas de trop. Avec mes power ups, je deviens plus puissant. Ma vitesse est au top et le regard perçant. Les ennemis fuient, cherchent une issue. Un Bomberman rusé, souvent invaincu. Avec le coup de pied, je l'ai fait valser en arrière. Avec le coup de poing, je l'envoie en l'air. Fire up dans la poche, explosion décuplée. Tête de mort en vue, je préfère l'esquiver. L'ennemi me guette, prêt à se venger. Tourne autour du plateau en train de me hanter. Subité la mort, dernier ennemi. Encore un effort avant cette agonie. Le labyrinthe rétrécit, l'espace est réduit. La tension monte et menace ma vie. Soudain les fans l'acclament, sa victoire saluée. Bomberman, héros de notre époque pixelisée. Ses bombes résonnent comme un chant de victoire, gravant son nom dans l'immortelle mémoire. Avec le coup de pied, je l'ai fait valser en arrière. Avec le coup de poing, je l'envoie en l'air. Fire up dans la poche, explosion décuplée. Tête de mort en vue, je préfère l'esquiver. Oh Bomberman, héros pixelisé. Dans chaque recoin, tu fais tout exploser. Les ennemis tremblent, mais tu gardes ton sang-froid. Un pas, une bombe, et tout vole en éclats. Pour les nostalgiques, une ode au passé. Action et tactique, un jeu bien pensé. Qualité des graphismes, plaisir esthétique. Époque révolue, mais toujours authentique. Alors prenez votre manette et rejoignez la partie. Dans ce monde explosif, seul ou entre amis. Avec rire, trahison, une ambiance conviviale. Dans l'univers du JV, une pépite sans égale. Oh Bomberman, héros pixelisé. Dans chaque recoin, tu fais tout exploser. Les ennemis tremblent, mais tu gardes ton sang-froid. Un pas, une bombe, et tout vole en éclats. En 2024, on continue à jouer à 2 à 4. B-O-M-B-E-R. Les bombes sont ma force, mes alliés. Bomberman, héros pixelisé. Dans chaque recoin, tu fais tout exploser.